de moi les costumes sous la mitraille. Au loin je vois des drapeaux qui vacillent. J'aperçois les marques de pas, les fossiles.